s'il y a un appel pour participer à une manifestation pour l'Égypte. On ne peut pas faire de manifestation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en elle-même qui est haram. Car l'aslu fil ashiya il ibah. La règle dans les choses, c'est halal. Manifestation, on ne va pas trouver. Mais ce qui se passe dans cette manifestation, qui est haram. Et quand tu vas dans cette manifestation, tu vois toutes des munkarats. Tu as des femmes mélangées avec des hommes, etc. Et tout ça, il y a même de la drague dans les trucs. Et parfois même, tu en as certaines sœurs, elles sont yannées par des non-musulmans, même pour la police. C'est pour ça qu'on dit le système, donc, de la manifestation, elle en manifestation elle-même n'est pas contradictoire à l'islam, il n'y a pas quelque chose. Mais la manière qu'il est organisé et la manière qu'il fonctionne, il y a des contradictions avec l'islam. C'est pour ça qu'on dit pas de manifestation tant qu'il n'y a pas cette organisation qui correspond à l'islam. Non. D'ailleurs, si tu fais une manifestation, ça se peut dans même la manifestation, tu vas trouver les gens qui cassent et brûlent, etc. Et toi, tu y es dedans. Alors, toi, tu dis, par exemple, Palestine ou je ne sais pas, Égypte, Égypte. Et tout d'un coup, l'autre, il chute une voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues Égypte ou tu t'arranges avec celui-là? Tu t'arranges avec lui d'abord. Égypte, elle est loin, mon car, je l'ai, c'est devant moi. Alors, tu ne fais absolument rien. Et alors, on encourage, alors, casser les trucs, etc. Mais, de maman, on ne sait jamais, il est organisé, mais c'est impossible, parce que tout rentre dedans. Il n'y a pas donc impossible donc de vérifier, d'organiser. Si, par exemple, il est organisé, il n'y a pas quelque chose en contradiction avec l'islam, oui, on peut faire. Non. Non. Cheikh, il y a un question. Il y a un homme qui est connu, qui est un ولكن يعني الان كان يعني بعض يعني المعروفين جماعات او جمعيات يعني معروفين انهم يعني كانوا على منهج صحيح يعني وثم يعني شفناهم اللي استدعوا ذلك الشخص يعني الذي يدعو الى البدعه او الى المنهج يعني كذا ثم يعني فقاش يعني طرح السؤال لمن يستدعو كذا قال ان يعني الشخص كذا انه معروف في الساحه كذا قال هم ما في باس يعني madame, يعني لا يجيب على الأسئلة madame كذا يعني. Alors dire par exemple d'inviter quelqu'un qui est parmi le groupe, il est d'ailleurs dans un groupe. Hein, ça c'est d'ailleurs juste dans l'islam d'avoir le groupe, d'avoir par exemple le groupe frères musulmans ou frères kada ou kada, ça c'est haram dans l'islam. Il n'y a pas de groupe dans l'islam. Ça, c'est déjà la base, c'est-à-dire d'être tabliri ou d'être nada ou d'être ça et ça, tout ça c'est haram, contradiction de l'islam. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de l'ahzab, il y a qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul, et la communauté musulmane, c'est une seule communauté, son guide, son groupe, il a été créé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Dar al-Arqam et la Ghaïd al-Dalik. Alors, dès que le premier jugement qu'on fait, dès que tu t'appelles que je suis un groupe, khalas, on te dit khalas. On ne va pas te dire que tu es kafir, non, tu es musulman, tu es al-sunna, mais tu n'es pas de al-sunna ou al-jama'a. Tu es al-sunna, tu n'es pas chiite, mais tu fais partie de al-sunna, bonjour, salam alaikum, tu es mon frère musulman, etc. Je t'aime parce que tu dis ashadu Allah ilaha ashadu Muhammad Rasulullah, mais je ne t'aime pas donc d'avoir un groupe et un shir, etc. et tout ça. Alors, de là, cette personne appelle à cette. C'est-à-dire, ils font des hérésies, ils appellent. Ça, on appelle ça mubtadi'. Une personne qui... Est-ce qu'on peut l'inviter de donner un cours en DAS? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible que la personne lui-même, qu'il a une certaine pensée des hérésés, il travaille pour ça. Il appelle à ses hérésés. Je ne vais pas l'appeler ici de lui dire ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est possible. Il peut faire un accord avec cette personne qui ne va pas dire quelque chose que ça a à voir avec un rapport avec ce groupe. Ou quoi que ce soit, tout ce qu'il va dire correspond à l'Kitab ou le Sunna, comme ils l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, même ça, ça ne serait pas conseillé de l'inviter. Pour quelle raison? Parce que les gens ils vont voir qui est à côté de lui. Et à être à côté de lui, de l'inviter, etc., les autres ne vont pas comprendre que vous avez fait des conditions avec, etc., pour un das. Et on sait que ce das peut être donné par quelqu'un d'autre, des milliers. C'est-à-dire, s'il ne vient pas lui, ce n'est pas la fin du monde. Et alors, les gens, dès qu'ils vous voient avec, ils font comme quoi que vous lui avez donné, c'est-à-dire que celui-là, on peut l'écouter. Et les autres vont l'inviter, mais sans faire ce genre de conditions. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le centre, etc., etc. Alors, on ne l'invite pas parce qu'il appelle à son sérésie, ce bidère. Deuxièmement, même si avec des conditions bien précises, etc., non parce que tu encourages les autres personnes qui n'ont pas de connaissance de l'inviter, à ce moment-là, on fait l'erreur de propager ce genre de ahzab et tout ça. Non. Là, de dire que pour le moment, il ne faut pas parler de tafriqa parce qu'on fait le tafriqa. On fait la division. Ceux-là qui ont inventé ce genre de hasb, c'est déjà eux-mêmes les premiers concernés dans la division. Et lui, il fait un hizb. Il dit non, on doit se mettre la main dans la main. Tu as déjà fait un hizb. Qui a fait la division? C'est toi qui as adhéré à ce hizb. Enlève ce hizb. Il n'y a pas de hizb. Il n'y a pas d'ikhwan muslimin, il n'y a pas de tala'i, il n'y a pas de hizb tahrir, il n'y a pas donc adl ou l'islam ou n'ahada, il n'y a pas. Il y a ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad al-Rasulullah, qala Allah, qala al-Rasul, qala al-Sahaba, qala al-Salaf al-Salaf. Alors, est-ce que tu fais le hizb? Tu fais une organisation d'un bureau, d'un jam'iyat, toi tu es là, khalas, pas de problème. C'est une organisation idaria, administrative. Mais de faire par exemple un cheikh, d'écouter un cheikh, ce qu'il dit le cheikh, je dois le faire, non, ça ne tient pas debout. Qui est mon cheikh, tout ce qu'il dit est la vérité. Ce n'est pas un prophète celui-là. Et si nous autres on doit apprendre, moi je dis quelque chose qui n'est pas obligé. Tu n'as pas même pas le droit. Tout ce que je dis, tu le prends comme juste. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. On te doit chercher. Moi, je te transmets la vérité, ce que je vois, je crois. Et toi, tu analyses. Il a dit le hadith là, il a dit le hadith là. Peut-être que tu as écouté un autre alim qui dit le contraire de ce que je dis. Tu as un cerveau, analyse. Et tu dois être indépendant de toute cheikh. Excepté de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute cheikh, tu dois être indépendant. Un cheikh, ce n'est pas un prophète. Tu dois écouter, tu regardes, ça correspond à le kitab ou le sunnah, je le prends. Et il y a une divergence entre l'ulama, lui il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, j'analyse, je regarde. Et celle que je suis plus convaincu, je le suis. Qui l'a dit Abou Shaima, qui l'a dit quelqu'un d'autre, qui l'a dit Ibn Taymiyyah, qui l'a dit Cheikh Uthaymeen ou Abel, on n'a rien à voir. Nos autres, ce n'est pas les savants comme preuve et dalil. Les savants ne sont pas des preuves, ne sont pas des dalils. Quand je te dis de moi un dalil, ne me dis pas Albani l'a dit. Ce n'est pas un dalil ça. Tu me dis, le hadith, le prophète a dit. Et l'Albani l'a expliqué comme ça. Ah, alors ça va. Il y a un dalil, il y a l'Albani après. Le dalil, l'Albani a dit. Khalas, t'es fou toi. Ah, parce que Cheikh Al-Uthaymeen a dit. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Cheikh Al-Uthaymeen ou Cheikh Al-Albani? C'est nos chouyoukh, on suit leur explication. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a suivis parce qu'il est Uthaymeen. Ou il est Albani, ou l'Ibn Taymiyyah, ou les flammes. On l'a suivi parce que son argument, son délit, donc du Coran et Sunnah, je le vois, il est correspond au Kitab ou Sunnah. C'est pour ça. Alors, je me trouverai à ce moment-là, une fois je vais prendre de l'explication de Cheikh Albani, une fois je prendrai de celle de Cheikh Al-Uthaymeen. Pas par l'hawa, par envie. Non. Parce que ma raison, ce qu'il a donné à Allah Azzawajal de capacité de comprendre, je trouve que celui-là, son explication, elle est plus proche de le Kitab ou Sunnah. Khalas, je fais avec. Mais il n'y a pas. Alors, quand il va dire, pour ne pas faire la division, les ulama ils te disent que ces groupes, c'est déjà eux-mêmes la division. C'est lui-même qui me dit, on va faire la division. Je lui dis, je fais la main avec toi, arrête avec ces ahzab. Arrête, il n'y a pas de tbler, il n'y a pas donc de cheikh en Pakistan, je vais visiter le Pakistan, il n'y a pas de nubhami, il n'y a pas donc de benna, il n'y a pas de flan, et il y a Ahl-Sunnah, il est mondial. Où sont ces savants? Ils sont partout. Ils sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Europe, en Belgique, partout. Ahl-Sunnah, où est-ce qu'il est ton cheikh? Je n'ai pas. J'en ai des milliers de chouyours, ils sont partout dans le monde entier. Khalas, voilà le groupe. Alors, de dire on va mettre la main dans la main, non. Et la question de dire, on se met la main dans la main sur quoi on est d'accord et on laisse les divergences. C'est faux, ça c'est Hassan Benna qui l'a dit ça. Najtami ala ma tafaqna alayhi wa yu'adir ba'duna ba'dun fi ma khtalafna fi. Ça ne va pas cette parole-là. On va se mettre la main dans la main sur l'autre, d'accord? Et on s'excuse l'un à l'autre dans la divergence. On ne peut pas se mettre la main dans la main, c'est une autre pensée, non? J'ai une autre pensée. Même ouvrir un rhum dans un paltoc, tu ne peux pas. Même, bon, mettons le centre ici. C'est moi et Salim, on n'a pas le même manège. Ou alors les personnes qui sont avec, ils n'ont pas le même manège. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir un centre? Un tabliri, ils peuvent ouvrir un centre avec lui. Un ikhwani, ils ne peuvent pas. Mais ça ne veut pas dire que lui il a le même manhaj et tout ce que moi j'ai adhéré à un fatwa que lui il va le prendre. On a deux différentes fatwas. Lui il est après le fatwa de Cheikh Al-Albani, moi je vais prendre le fatwa de Cheikh Al-Albani, mais on a le même manhaj, la même conclusion, il n'y a pas de groupe. Mais de dire un tabliri va travailler avec. Ce n'est pas possible. Toi un tabliri ici tu vas me dire viens on va sortir, on va faire 40 jours. Si on va chez une mosquée, tu vas me faire, on va faire le bayan. Et tu vas dire que je dois apprendre les comment on appelle ça, les sifat, ou je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, alors il n'y a pas, ça t'excuse. On met la main de la main pour se recevoir qu'on est d'accord et on s'excuse sur quoi on a une divergence. On est en divergence, le groupe est haram. Impossible. Sors de ce groupe et marham. Ouvre. Ouais. Tu n'es pas d'accord avec ce que moi je crois, par exemple, le niqab il n'est pas obligatoire. Toi, tu dis que le niqab il est obligatoire, pas de problème. Tu dis, mais Al-Sunnah al-Jama'a. Pourquoi? Parce que c'est la parole des grands savants de Al-Sunnah al-Jama'a.